Psaume 90, verset 12, version Parole de vie. Notre vie est courte, fais-nous comprendre cela, alors notre cœur sera rempli de sagesse. Deutéronome 8, verset 18, version Parole de vie. Rappelez-vous, c'est le Seigneur votre Dieu qui vous donne la force d'obtenir ses richesses. 1 Pierre 4, verset 10, version français courant. Que chacun de vous utilise pour le bien des autres le don particulier qu'il a reçu de Dieu. Vous serez ainsi de bons administrateurs des multiples dons divins. Ces trois versets parlent respectivement du temps, du tonus et des talents. Quand on parle d'oikonomia ou d'économie aujourd'hui, on pense inévitablement à l'argent. Mais votre argent n'est que le produit, le résultat de votre intendance combinée de ces trois ressources de base. C'est ce que nous allons voir maintenant. Vous écoutez Ressources de Dieu 1, temps, tonus, talent. Ceci est un enseignement de préparation au séminaire Oikonomia, intendance des ressources de Dieu. Le séminaire Oikonomia, intendance des ressources de Dieu, a pour but d'inspirer et d'équiper les saints afin qu'ils soient des gestionnaires fidèles des ressources de Dieu et que leur témoignage et héritage spirituel et matériel glorifient Dieu. Les enseignements de préparation à ce séminaire et à d'autres séminaires sont téléchargeables gratuitement sur le site www.epplaparole.com. Ces ressources ne peuvent être vendues. Toutefois, vous pouvez les reproduire, les distribuer et les diffuser gratuitement, sans les tronquer et sans les modifier. Je suis Marie-Laure Braga et revoici Paul-Julien Braga pour la suite du message. Bonne écoute! Ce qu'on appelle le travail est en fait la gestion combinée, l'intendance combinée du temps, du tonus et des talents mis au service des autres. Parlons du temps. Le récit de la création dans les chapitres 1 et 2 de Genèse présente Dieu au travail. Le tout premier produit de Dieu, c'est la fixation de l'unité de temps de son travail, le jour. Les produits suivants concernent l'aménagement de ces espaces de travail. Puis, Dieu crée ce que contiennent le ciel, la terre et les mers à partir du troisième jour. Il couronne son œuvre par la création de l'homme et de la femme le sixième jour et il se repose le septième jour. Genèse 5 nous apprend que le premier homme, Adam, a vécu 930 ans et il est mort. Mais l'homme qui a vécu le plus longtemps de l'histoire de l'humanité, c'est Mathusalem, Methuselah dans certaines versions de la Bible. Il est mort à l'âge de 969 ans. Mathusalem était le grand-père de Noé. Et c'est du temps de Noé que Dieu a dit « Je ne peux pas laisser les hommes profiter indéfiniment du souffle de vie que je leur ai donné. Ils ne sont après tout que des êtres mortels. Désormais, ils ne vivront pas plus de 120 ans. » Genèse 6, verset 3, version français courant. Sur ce sujet de la durée maximale de vie des humains, le journal français Le Figaro a publié un article intéressant en octobre 2016. Je vous en cite quelques extraits. Nos résultats suggèrent fortement que la durée maximale de vie des êtres humains est fixe et soumise à des contraintes naturelles, écrivent des chercheurs américains dirigés par Jan Vigt, qui se sont penchés sur l'âge maximal atteint dans une quarantaine de pays. Ce n'est pas la première fois que des chercheurs s'intéressent à cette question. En 2014, une étude française avait déjà montré que l'espérance de vie plafonnait depuis quelques années chez les athlètes de très haut niveau, comme chez les super centenaires, personnes de plus de 110 ans. Aucun super centenaire n'a jusqu'à présent réussi à égaler ou à dépasser le record de longévité de la Française Jeanne Calment, décédée en 1997 à l'âge de 122 ans. Depuis le décès de Jeanne Calment, les doyens de l'humanité sont morts aux environs de 115 ans et nous prédisons que cela ne devrait pas changer dans un avenir prévisible, a expliqué Brandon Milloland, l'un des auteurs de l'étude. Il n'exclut pas que quelqu'un puisse vivre plus longtemps, mais les chances qu'un humain vive jusqu'à 125 ans sont quasi inexistantes, avec une probabilité de moins d'un sur 10 000, estime-t-il. Aujourd'hui, la doyenne de l'humanité est une Italienne âgée de 116 ans, Emma Morano. Mais d'autres revendiquent ce titre sans qu'il soit réellement possible de vérifier leur affirmation. Un Indonésien prétend notamment être né le 31 décembre 1870 et aurait donc 145 ans. João Coelho de Souza, un Brésilien, revendique une naissance le 10 mars 1884 et serait donc âgé de 131 ans. Fin de citation. Vu la définition de supercentenaire dans cet article, on pourrait dire que Moïse est un supercentenaire, lui qui a vécu 120 ans. Mais Moïse décrit dans le psaume 90 au verset 10 l'expérience ou la réalité la plus courante de l'espérance de vie des humains. Psaume 90, verset 10, je lis dans la version Parole de vie. La durée de notre vie, 70 ans, 80 ans pour les plus forts. Une longue vie apporte seulement fatigue et souffrance. Les années passent vite et nous nous envolons. Pensez à une pierre tombale. À bien y réfléchir, une vie humaine sur terre est juste aussi longue que le trait d'union sur la pierre tombale qui sépare l'année de la naissance et l'année de la mort. C'est pourquoi Moïse prie Dieu, disant « Enseigne-nous à bien compter nos jours afin que nous appliquions notre cœur à la sagesse. » Psaume 90, verset 12. Paul, de son côté, encourageait les chrétiens d'Éphèse et les chrétiens de Colosse à racheter le temps. Il les appelait à se conduire avec sagesse et à faire un bon usage du temps. En Éphésiens 5, versets 15 à 17, je lis dans la version Parole de vie, il dit « Faites bien attention à votre conduite. Ne vivez pas sans réfléchir. Vivez plutôt comme des sages qui savent profiter du temps que Dieu leur laisse. Les jours que nous vivons sont mauvais. C'est pourquoi ne soyez pas stupides, mais comprenez bien la volonté du Seigneur. » En Colossiens 4, le verset 5, je lis dans la version Parole de vie, il dit encore, « Avec ceux qui ne sont pas chrétiens, conduisez-vous avec sagesse, profitez du temps que Dieu vous laisse. » Nous comprenons que racheter le temps, c'est tirer parti, tirer profit, tirer avantage du temps que Dieu nous donne. Utiliser profitablement le temps que Dieu nous laisse sur la terre. Le Seigneur Jésus avait cette importante attitude de racheter le temps pour faire la volonté du Père. Il a dit en Jean 9, le verset 4, « Il faut que je fasse, tandis qu'il est jour, les œuvres de celui qui m'a envoyé. La nuit vient où personne ne peut travailler. » Et Romains 5, le verset 6, nous fait remarquer que Christ est mort pour nous au temps marqué. L'Ecclésiaste 3, les versets 1 à 8 et le verset 17, évoquent la succession des événements dans le temps que Dieu nous donne sur la terre. Il est écrit, « Il y a un temps pour tout, un temps pour toute chose sous les cieux. » Et Paul nous alerte en 1 Corinthiens 10, le verset 23, au sujet de la saine gestion des possibilités. Il dit, et je lis dans la version Semeur, « Oui, tout m'est permis, mais tout n'est pas bon pour nous. Tout est permis, mais tout n'aide pas à grandir dans la foi. » Question à trois volets pour vous. Quel est 1. Votre emploi du jour, 2. Votre emploi de la nuit, et 3. Quelles sont vos priorités? Cette question porte sur votre emploi du temps et les motivations de cet emploi du temps. Elle vous permettra de décider si vous faites partie des sages qui rachètent le temps ou si vous faites partie de ceux qui tuent le temps. Parlons maintenant du tonus, c'est-à-dire la force ou l'énergie du corps. C'est Dieu qui donne un corps à chaque être vivant. Parlons de la résurrection des morts en 1 Corinthiens 15, les versets 35 à 58. Paul présente clairement cette vérité. David, quant à lui, disait dans un transport de poésie, « Tu m'as fait ce que je suis et tu m'as tissé dans le ventre de ma mère. Merci d'avoir fait de moi une créature aussi merveilleuse. Tu fais des merveilles et je le reconnais bien. Mon corps n'était pas caché à tes yeux quand, dans le secret, je fus façonné et tissé comme dans les profondeurs de la terre. Je ne t'ai encore qu'une masse informe, mais tu me voyais et dans ton registre se trouvaient déjà inscrits tous les jours que tu m'avais destinés alors qu'aucun d'eux n'existait encore. » Psaume 139, versets 13 à 16, version Semeur. Comme Paul, David fait allusion à la mort, c'est-à-dire au fait que le temps à passer dans ce corps physique est limité. Vu de ce côté-ci de l'éternité, le temps et les talents sont intimement liés à l'existence du corps. L'Ecclésiaste 9, verset 10 dit en effet, « Tout ce que ta main trouve à faire avec ta force, fais-le, car il n'y a ni œuvre, ni pensée, ni science, ni sagesse dans le séjour des morts où tu vas. » La version Semeur traduit « avec ta force » par « avec l'énergie que tu as ». Et cela nous rapproche du mot « tonus » que nous employons ici pour désigner la ressource qu'est le corps physique. Tonus, dans son sens courant, est en effet un synonyme d'énergie et de dynamisme. Si le souffle tient la vie, c'est le tonus ou l'énergie qui tient la vitalité. Le dictionnaire Larousse nous donne une définition très intéressante de ce mot « vitalité ». Je cite « la qualité de quelqu'un dont l'énergie, je souligne l'énergie, se manifeste par l'activité, je souligne l'activité, et l'aptitude à produire des résultats, je souligne résultats, nombreux et importants ». Je reprends « vitalité », la qualité de quelqu'un dont l'énergie se manifeste par l'activité et l'aptitude à produire des résultats nombreux et importants. Cette relation entre l'énergie, ou le tonus comme nous disons ici, l'activité et les résultats est très importante. Résumons tout ceci. Nous avons déjà dit, premièrement, que l'intendance combinée du temps, du tonus et des talents mis au service des autres constitue le travail. Et le travail nous ramène dans cette définition de la vitalité aux activités. Deuxièmement, le travail productif. C'est-à-dire les activités, mais pas seulement les activités plus les résultats nombreux et importants. C'est ça le travail productif. Ce travail productif a pour base l'entretien et l'exploitation convenable de la vie, c'est-à-dire le souffle, et de la vitalité du corps, c'est-à-dire le tonus ou l'énergie. Et puis troisièmement, à la mort du corps, il n'y a plus ni temps, ni tonus, ni talent à faire valoir dans le séjour des morts. Cette énergie productive du corps dont nous parlons appartient à Dieu qui la donne aux humains. Moïse, parlant au peuple d'Israël, dit en Deutéronome 8, versets 17 à 18a, je lis dans la version Parole de vie, « Attention, ne dites jamais dans votre cœur, nous sommes devenus riches par nous-mêmes grâce à nos seules forces. Rappelez-vous, c'est le Seigneur votre Dieu qui vous donne la force d'obtenir ses richesses. » Et Pierre parlait de mettre chacun son don au service des autres et remplir chacun son ministère, je cite, « selon la force que Dieu communique, afin qu'en toute chose, Dieu soit glorifié par Jésus-Christ, à qui appartiennent la gloire et la puissance, au siècle des siècles. Amen. » 1 Pierre 4, verset 11. Il est donc clair que le corps appartient à Dieu comme créateur, mais encore, le corps appartient à Dieu comme rédempteur, comme sauveur. Il est en effet écrit en 1 Corinthiens 6, les versets 19 à 20, « Ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit qui est en vous, que vous avez reçu de Dieu et que vous ne vous appartenez point à vous-même, car vous avez été racheté à un grand prix. Glorifiez donc Dieu dans votre corps et dans votre esprit qui appartiennent à Dieu. » Le contexte de ce passage est de préserver le corps de la porneia. Ce mot est traduit au verset 18 en français par « impudicité ». Mais en réalité, il désigne toute relation sexuelle contraire à la volonté de Dieu. Votre corps a un propriétaire. vous en êtes un intendant, une intendante. Que le péché ne règne donc point dans votre corps mortel et n'obéissez pas à ses convoitises. Ne livrez pas vos membres au péché comme des instruments d'iniquité, mais donnez-vous vous-même à Dieu comme étant vivant de mort que vous étiez et offrez à Dieu vos membres comme des instruments de justice. Nous commande Romains 6, les versets 12 à 13. L'intendance du corps comme ressource confiée par Dieu impose donc premièrement de le garder du péché et de le mettre comme instrument au service de Jésus-Christ qui, selon 1 Corinthiens 1 verset 30, a été fait pour nous sagesse, justice et sanctification et rédemption. Ne savez-vous pas que vous êtes le temple de Dieu et que l'Esprit de Dieu habite en vous? Si quelqu'un détruit le temple de Dieu, Dieu le détruira, car le temple de Dieu est saint et c'est ce que vous êtes, nous dit encore 1 Corinthiens 3, versets 16 à 17. Par ailleurs, Proverbes 3, versets 7 à 8 établit un lien très clair entre la crainte du Seigneur et la santé du corps. Il est écrit « Ne te crois pas trop sage, crains le Seigneur, écarte-toi du mal, ce sera la santé pour ton corps et un rafraîchissement pour tes os. » Version Nouvelle Bible, seconde. Soit donc que vous mangiez, soit que vous buviez, soit que vous fassiez quelque autre chose, faites tout pour la gloire de Dieu, conclut 1 Corinthiens 10, verset 31. Dans le contexte de ce dernier verset, Paul parle aux saints de Corinthe concernant la viande sacrifiée aux idoles. Le but de l'exhortation est d'amener les saints à rechercher l'édification de tous et les intérêts du Seigneur, même dans les activités les plus ordinaires, comme manger et boire. Concernant précisément ces activités ordinaires, il convient que les intendants aient également soin du corps dans les quatre domaines suivants que je voudrais vous suggérer. Contrôle médical des organes et fonctions essentielles du corps. La plupart des gens s'intéressent plus à l'apparence qu'au fonctionnement de leur corps. Mais imaginez les conséquences d'une telle attitude vis-à-vis d'une voiture, par exemple. Alimentation équilibrée en apport nutritionnel adéquat pour la santé et la vitalité du corps. Repos suffisant pour récupérer de la fatigue et restaurer le niveau d'énergie nécessaire aux activités productives. Entretien de la santé et de la vitalité par l'hygiène corporelle et l'exercice physique. Le sigle de ces quatre domaines donne CARE en anglais CARE qui veut dire soin. Question pour vous. Quelle évaluation faites-vous de votre intendance du corps que Dieu vous a donné? Quels soins matériels et spirituels apportez-vous à cette ressource que Dieu vous a confiée? Parlons enfin des talents. Nous allons le faire en 6 points. 1. C'est Dieu qui nous donne les talents, c'est-à-dire les aptitudes particulières, les capacités, les dons remarquables, comme l'atteste Jacques, le chapitre 1, les versets 16 à 18. Il est écrit « Ne vous y trompez pas, mes frères bien-aimés, toute grâce excellente et tout don parfait descendent d'en haut, du Père des Lumières, chez lequel il n'y a ni changement, ni ombre de variation. Il nous a engendrés selon sa volonté par la parole de vérité, afin que nous soyons, en quelque sorte, les prémices de ses créatures. » 2. Dieu accorde des talents pour des métiers ordinaires, comme on le voit en Exode 31, les versets 1 à 11. Je vous encourage à chercher à repérer les différents métiers qui se trouvent dans ce texte. L'Éternel parla à Moïse et dit « Sache que j'ai choisi Betsaléel, fils d'Uri, fils de Hur, de la tribu de Juda. Je l'ai rempli de l'Esprit de Dieu, de sagesse, d'intelligence et de savoir pour toutes sortes d'ouvrages. Je l'ai rendu capable de faire des inventions, de travailler l'or, l'argent et l'airain, de graver les pierres à enchâsser, de travailler le bois et d'exécuter toutes sortes d'ouvrages. Et voici, je lui ai donné pour aide Oholiab, fils d'Aïsamac, de la tribu de Dan. J'ai mis de l'intelligence dans l'esprit de tous ceux qui sont habiles pour qu'ils fassent tout ce que je t'ai ordonné. La tente d'assignation, l'arche du témoignage, le propitiatoire qui sera dessus et tous les ustensiles de la tente, la table et ses ustensiles, le chandelier d'or pur et tous ses ustensiles, l'autel des parfums, l'autel des holocaustes et tous ses ustensiles, la cuve avec sa base, les vêtements d'office, les vêtements sacrés pour le sacrificateur Aaron, les vêtements de ses fils pour les fonctions du sacerdoce, l'huile d'onction et le parfum odoriférant pour le sanctuaire. Ils se conformeront à tous les ordres que j'ai donnés. Question pour vous. Pour quel métier Dieu vous a-t-il rempli de l'Esprit de Dieu, de sagesse, d'intelligence et de savoir, comme Betsaléel, Oholiab et les autres? 3. Dieu accorde les talents pour les ministères et opérations dans le corps de Christ pour l'utilité commune, selon 1 Corinthiens 12, les versets 4 à 31. Il est écrit: il y a diversité de dons, mais le même Esprit, diversité de ministères, mais le même Seigneur, diversité d'opérations, mais le même Dieu qui opère tout en tous. Or, à chacun, la manifestation de l'Esprit est donnée pour l'utilité commune. En effet, à l'un est donnée par l'Esprit une parole de sagesse, à un autre une parole de connaissance selon le même Esprit, à un autre la foi par le même Esprit, à un autre le don des guérisons par le même Esprit, à un autre le don d'opérer des miracles, à un autre la prophétie, à un autre le discernement des esprits, à un autre la diversité des langues, à un autre l'interprétation des langues. Un seul et même esprit opère toutes ces choses, les distribuant à chacun en particulier comme il veut. Car comme le corps est un et a plusieurs membres, et comme tous les membres du corps, malgré leur nombre, ne forment qu'un seul corps, ainsi en est-il de Christ. Et Dieu a établi dans l'Église premièrement des apôtres, secondement des prophètes, troisièmement des docteurs, ensuite ceux qui ont le don des miracles, puis ceux qui ont les dons de guérir, de secourir, de gouverner, de parler diverses langues. Tous sont-ils apôtres? Tous sont-ils prophètes? Tous sont-ils docteurs? Tous ont-ils le don des miracles? Tous ont-ils le don des guérisons? Tous parlent-ils en langue? Tous interprètent-ils? Aspirez aux dons les meilleurs. Et je vais encore vous montrer une voie par excellence. 4. Dieu nous donne l'amour qui est la voie par excellence, détaillée en 1 Corinthiens 13. Romains 5, verset 5 nous explique que l'amour de Dieu est répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit qui nous a été donné. Et Romains 12, verset 4 à 13 reprend les idées de 1 Corinthiens 12 et 13 sur les dons et l'amour en concluant avec des points d'action pratiques. Il est écrit: « Chacun de nous a, dans un seul corps, de nombreux organes, mais ces organes n'ont pas la même fonction. De même, alors que nous sommes nombreux, nous formons ensemble un seul corps par notre union avec le Christ, et nous sommes tous, et chacun pour sa part, membres les uns des autres. » Je lis dans la version Semeur. Et Dieu nous a accordé par grâce des dons différents. Pour l'un, c'est la prophétie, qu'il exerce cette activité conformément à notre foi commune. Pour un autre, c'est le service, qu'il se consacre à ce service. Que celui qui a reçu un ministère d'enseignement enseigne. Que celui qui a reçu un ministère d'encouragement encourage. Que celui qui donne le fasse sans arrière-pensée. Que celui qui dirige le fasse avec sérieux. Que celui qui secourt les malheureux le fasse avec joie. L'amour ne sait pas mentir. Ayez donc le mal en horreur. Attachez-vous de toutes vos forces au bien, notamment en ce qui concerne l'amour fraternel. Soyez pleins d'affection les uns pour les autres. L'estime mutuelle, faites passer les autres avant vous. L'ardeur, n'hésitez pas. L'esprit, soyez bouillant. Le Seigneur, soyez de bons serviteurs. L'espérance, qu'elle soit votre joie. L'épreuve, qu'elle vous trouve plein d'endurance. La prière, qu'elle soutienne votre persévérance. Les besoins de ceux qui appartiennent à Dieu, soyez-en solidaires, toujours prêts à pratiquer l'hospitalité. 5. Dieu accorde donc les talents pour qu'ils soient mis au service des autres avec amour. 1 Pierre 4, les versets 10 à 11, il est écrit: « Comme de bons dispensateurs des diverses grâces de Dieu, que chacun de vous mette au service des autres le don qu'il a reçu. Si quelqu'un parle, que ce soit comme annonçant les oracles de Dieu. Si quelqu'un remplit un ministère, qu'il le remplisse selon la force que Dieu communique, afin qu'en toute chose, Dieu soit glorifié par Jésus-Christ, à qui appartiennent la gloire et la puissance au siècle des siècles. Amen. » Dans ce passage, comme en Actes 6, les versets 1 à 6, transparaît la distinction entre le ministère, diakonia en grec, de la parole, d'une part, c'est-à-dire l'édification spirituelle, on le voit en Actes 6, verset 4, et le ministère ou la distribution, en grec encore diakonia, aux tables, c'est-à-dire l'assistance matérielle, que l'on voit au verset 1 et 2 de Actes 6. La diakonia comme ministère de la parole et la diaconia comme assistance matérielle exigent toutes deux les mêmes qualités spirituelles essentielles. Alors, question pour vous, quelle diaconia remplissez-vous dans le corps de Christ? 6. Le double honneur des travailleurs en Christ et dans le monde. Pour rappel, le travail est l'intendance combinée du temps, du tonus et des talents que Dieu vous a donnés pour le bien des autres. Et cela se fait à la fois dans le monde, à travers les métiers, et dans le corps de Christ, à travers les services d'édification spirituelle et d'assistance matérielle. Le bon travail procure un double honneur, considération et salaire. 1 Timothée 5, versets 17 à 18. Il est écrit « Que les anciens qui dirigent bien soient jugés dignes d'un double honneur, surtout ceux qui travaillent à la prédication et à l'enseignement. Car l'Écriture dit « Tu n'en muselleras point le bœuf quand il foule le grain et l'ouvrier mérite son salaire. » Le premier honneur sous-entendu en 1 Timothée 5 est explicité en 1 Thessaloniciens 5, le verset 12. Il est écrit « Nous vous prions, frères, d'avoir de la considération pour ceux qui travaillent parmi vous, qui vous dirigent dans le Seigneur et qui vous exhortent. » Le deuxième honneur est repris en détail en 1 Corinthiens 9, les versets 4 à 14. C'est Paul qui parle ici. « N'avons-nous pas le droit de manger et de boire? N'avons-nous pas le droit de mener avec nous une sœur qui soit notre femme comme font les autres apôtres et les frères du Seigneur et Céphas? Ou bien est-ce que moi seul et Barnabas, nous n'avons pas le droit de ne point travailler? Qui jamais fait le service militaire à ses propres frais? Qui est-ce qui plante une vigne et n'en mange pas le fruit? Qui est-ce qui fait paître un troupeau et ne se nourrit pas du lait du troupeau? Ces choses que je dis n'existent-elles que dans les usages des hommes? La loi ne les dit-elle pas aussi? Car il est écrit dans la loi de Moïse, « Tu n'en muselleras point le bœuf quand il foule le grain. » Dieu se met-il en peine des bœufs ou parle-t-il uniquement à cause de nous? Oui, c'est à cause de nous qu'il a été écrit que celui qui laboure doit labourer avec espérance et celui qui foule le grain foulé avec l'espérance d'y avoir part. Si nous avons semé parmi vous les biens spirituels, est-ce une grosse affaire si nous moissonnons vos biens temporels? Si d'autres jouissent de ce droit sur vous, n'est-ce pas plutôt à nous d'en jouir? Mais nous n'avons point usé de ce droit. Au contraire, nous souffrons tout afin de ne pas créer d'obstacle à l'évangile de Christ. Ne savez-vous pas que ceux qui remplissent les fonctions sacrées sont nourris par le temple, que ceux qui servent à l'autel ont part à l'autel? De même aussi le Seigneur a ordonné à ceux qui annoncent l'évangile de vivre de l'évangile. Il est aussi écrit « Connaissez-vous un homme habile dans ce qu'il fait? Il ne restera pas au service des gens obscurs, mais il entrera au service des rois. » Proverbe 22, verset 29, version Semeur. Notez que les rois aujourd'hui ne sont pas seulement des monarques, qui règnent sur des territoires. Les leaders dans différents domaines d'activité sont aussi appelés rois. Et les disciples de Jésus-Christ ont la grâce infinie d'être au service du roi des rois. Pensez donc à ce qu'implique le double honneur quand on est au service des rois. Question pour vous, quelle est votre expérience du double honneur? Bien-aimés, à ce point de notre étude, nous pouvons retenir que le temps, le tonus et les talents sont des ressources que Dieu nous confie afin que nous les mettions au service des autres pour sa gloire. Nous pouvons retenir aussi que le travail est égal à l'intendance du temps, du tonus et des talents, c'est-à-dire la gestion du temps, du tonus et des talents mis au service des autres dans le monde et dans le corps de Christ. Et enfin, l'intendance fidèle du temps, du tonus et des talents procure un double honneur, c'est-à-dire la considération et le salaire. Question pour vous, qu'est-ce qui va changer maintenant dans l'intendance de votre temps, de votre tonus et de vos talents pour la gloire du Seigneur? Que les prescriptions du Seigneur soient votre sagesse et à bientôt pour la prochaine étude intitulée « Ressources de Dieu 2, Finances ». Vous venez d'écouter Ressources de Dieu 1, Temps, Tonus, Talent.